Chapitre 22. La bordure extérieure, avant-poste d'Elfruna. Qu'est-ce que tu attends ? Demanda Loden. Bell s'approcha lentement du bord de la falaise et jeta un coup d'œil en contrebas. Le sol ne lui semblait pas plus proche que les quatre dernières fois où il avait regardé. Il se retourna vers son maître qui croisait les bras. Loden souriait, mais d'un de ces sourires qui ressemblait davantage à une expression de profonde désapprobation. « Allez, dépêche-toi, » disait le sourire. « À moins que tu ne préfères rester padawan jusqu'à la fin de tes jours. » L'Ordre Jedi avait installé des avant-postes dans les secteurs les moins peuplés de la République, à la fois pour avoir l'occasion d'explorer de nouvelles régions et pour offrir de l'aide à tous ceux qui en avaient besoin dans ces zones plus sauvages. Moins vastes que des temples, ils abritaient un personnel de 3 à 7 Jedi, offrant d'ordinaire des compétences variées. L'affectation à un avant-poste faisait souvent partie de la formation des Padawans, et c'était précisément la raison de la présence de Bell sur Elfruna. Il s'y trouvait depuis un moment avec son maître, même s'il leur arrivait d'effectuer une mission hors-monde, comme la visite du flambeau stellaire qui les avait entraînés au beau milieu de la catastrophe du Legacy Run. À l'origine, il devait regagner Coruscant à bord du Third Horizon, mais le blocus hyperspatial décrété par la chancelière So les avait contraints à retourner à l'avant-poste pour le moment. Le Conseil pensait qu'on aurait peut-être davantage besoin des Jedi dans la bordure extérieure pendant la crise. Pourtant, jusqu'ici, la routine dans l'avant-poste ne changeait guère, blocus ou pas. Pour le padawan Bell Zetifar, elle se composait d'ordres constants de la part de son maître qui le chargeait de tâches impossibles censées composer sa formation. Une vive bourrasque monta du sol et fit reculer Bell du bord de la falaise. Il huma l'odeur unique d'Elfruna, mélange de métal chaud et de poussière. L'ordre bâtissait souvent ses avant-postes pour qu'ils s'intègrent à l'environnement et à la culture de la planète où il les implantait. Celui de Kashyyyk était une immense maison dans les arbres. Sur Mon Cala, il se composait d'un radeau géant de corallite sous lequel poussait une véritable forêt de varech, offrant un habitat semblable à un récif aux créatures marines locales, tandis qu'il dérivait au fil des courants. Elfruna était un monde aride au sol d'ardoise et d'argile, à la topographie variée. De longues chaînes de montagnes en couvraient presque toute la surface. Essentiellement composée de fer et d'autres minéraux ferreux, elle s'enroulait sur la planète en suivant les courbes des champs magnétiques. Depuis l'orbite, elles offraient un spectacle splendide, comme si un calligraphe avait décoré ce monde au moyen d'un pinceau d'une taille inimaginable. Mais au sol, le paysage ressemblait tout à fait à ce que l'on pouvait attendre d'une énorme boule de métal poussiéreux, un monde dont les os affleuraient sous la peau. Dans ce rude environnement, les Jedi avaient bâti leur avant-poste sur le flanc d'une montagne, ou plutôt à l'intérieur. Ils avaient rasé une face du mont de fer et l'avaient sculpté avec des ciseaux laser pour former une entrée bordée de colonnes comme celle d'un temple. Deux immenses statues de chevaliers Jedi la flanquaient, brandissant leurs sabres laser en posture d'attente. Ils portaient des tuniques à capuchon qui semblaient évoquer une époque plus ancienne. Au-dessus des portes, un gigantesque symbole de l'ordre. Les ailes déployées étreignant le trait de lumière stellaire destiné à éclairer la galaxie tout entière. Bell n'aimait pas particulièrement Elfruna. Il aurait préféré qu'on l'affecte à Mon Cala, par exemple, où la brise portait des parfums de vie et d'océan plutôt qu'une odeur de rouille. Mais il adorait l'avant-poste. L'endroit était simple et majestueux à la fois. Tout ce à quoi un Jedi aurait dû aspirer. C'était l'aube, et la lumière du levant accrochait l'électrum du symbole Jedi qui flamboyait en reflétant le soleil. Rien n'aurait pu améliorer la vue dont on disposait depuis le sommet de cette falaise. Elle était parfaite. Bell Zetifar, padawan Jedi, s'en imprégna. Puis il voulut se retourner pour expliquer à son maître, le chevalier Jedi Loden Greatstorm, qu'il ne se sentait pas encore prêt pour cet exercice et souhaitait se documenter un peu plus sur les techniques avant de sauter d'une falaise absolument parfaite. « Je crois en toi », lui assura Loden quelques mètres derrière lui. Bell sentit son maître se projeter dans la force. Il eut ensuite l'impression qu'une main se plaçait au centre de son dos, puis il fut poussé vigoureusement et tomba de la falaise. À une trentaine de kilomètres de là se trouvait l'espoir d'Ogden. Une ville de bonne taille, bâtie et préservée grâce aux rêves de ceux qui se croyaient à même d'exploiter la richesse minérale de la planète pour faire fortune. L'industrie minière sur Elfrona datait de plus d'un siècle. Mais depuis des décennies, les gouvernements locaux résistaient avec succès aux efforts des grandes entreprises galactiques pour en acheter les ressources ou les fusionner avec les leurs. La planète tout entière était divisée selon une grille, et aucune famille, corporation, entreprise ou association n'avait le droit de posséder plus de 4 concessions en même temps. Par conséquent, une bonne partie de la surface n'appartenait à personne, abritant peut-être des trésors inédits sous le sol, prêts à être découverts. Les tentatives précédentes avaient révélé des minéraux rares, de l'orodium, du platine, voire des substances plus étranges encore. Un filon de cristaux, par exemple. Elfrona était un coffre au trésor de la taille d'une planète, et les habitants s'étaient arrangés pour qu'il appartienne à tous ceux qui vivaient là. L'espoir d'Ogden portait bien son nom. Dans cette ville au vaste potentiel, chacun disposait des mêmes chances d'atteindre le succès et la liberté. Dans ses discours, la chancelière Sceau mentionnait souvent Elfrona comme un emblème de l'esprit de la République. En général, l'endroit était rude, mais agréable. Et une famille était venue s'installer dans cet endroit agréable, une famille issue d'un monde densément peuplé et riche du noyau. La mère, le père, leur fils et leur fille. Ils avaient acquis 2 concessions voisines l'une de l'autre à 1 heure de speeder de l'espoir d'Ogden, voire un peu plus en cas de tempête de rouille. Ils s'étaient bâti une maison avec l'aide de leur droïde. Au début, il ne s'agissait que d'une structure grossière et hideuse en permabéton, guère plus qu'un refuge pour s'abriter du soleil et du vent, mais ils avaient fini par se l'approprier. D'autres chambres, d'autres fenêtres, une serre, un étage, des décorations, toutes les petites touches qui transformaient une habitation en véritable foyer. Ils avaient creusé la terre et cherché quel trésor pouvait reposer sous leurs pieds. Ils auraient pu utiliser leur droïde pour réaliser la majeure partie du travail, mais ce n'était pas dans ce but qu'ils étaient venus sur Elfrona, et chacun s'acquitta donc de sa part. Les enfants étudiaient avec leur droïde tuteur et grandissaient de jour en jour. Les parents travaillaient et planifiaient, persuadés qu'ils avaient pris la bonne décision pour eux et leur famille. Mais un matin, la mère, qui s'appelait Erika, leva les yeux du droïde excavateur qu'elle réparait et aperçut un étrange nuage non loin de leur foyer. Ce curieux phénomène ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. En premier lieu, il rampait sur le sol comme un tapis de brume. Mais Elfrona était un monde aride. Il abritait de l'eau, certes, mais celle-ci circulait loin sous la surface, dans des rivières et des canaux souterrains. La pluie ne tombait qu'une fois par décennie. Par conséquent, le brouillard... Non, c'était impossible. En outre, la nuée présentait un aspect insolite, un reflet d'un bleu métallique. Elle ressemblait à un nuage d'orage, à vrai dire, même si Erika n'en avait plus revu depuis qu'elle avait quitté son monde natal des années auparavant. Et le nuage se déplaçait comme mu par une volonté propre, dans leur direction. « Otto !» cria-t-elle à son mari qui distribuait du fourrage à leur petit troupeau d'acierés non loin de là. Les bêtes aux longues jambes se pressaient autour de l'auge, manifestant un enthousiasme bien visible à la perspective du repas du matin. « Qu'est-ce que c'est, à ton avis ?» Otto se retourna pour regarder. Il se figea. Contrairement à sa femme, il se tenait au courant des affaires galactiques. Il ne s'était pas entièrement coupé des nouvelles de la République. Il avait donc entendu des histoires, et savait ce que signifiait un nuage qui s'approchait en rampant de votre foyer, de votre commerce ou de votre famille. « Va chercher Bi !» s'écria-t-il en lâchant le sac de fourrage qu'il tenait. « Je m'occupe de Ron. Il faut qu'on rentre et qu'on verrouille la maison. Vite !» Erika ne posa pas de questions, elle n'hésita pas. Il se trouvait à des kilomètres de tout soutien potentiel, et même sur les mondes agréables des territoires de la bordure extérieure, les dangers abondaient. Elle appela sa fille et courut à la maison. « Ron !» hurla Otto sans détacher les yeux du nuage. « Rentre à la maison, tout de suite !» Dans le brouillard, il commençait à distinguer des silhouettes. Une dizaine environ. Il n'en percevait pas les détails, mais savait à qui il avait affaire. Il avait entendu parler de pillards d'une cruauté inimaginable, surgissant de nulle part et disparaissant sans rien laisser d'autre dans leur sillage que la crainte de leur retour. Les Nils. Belle puisa dans la force. Il savait qu'un Jedi comme lui pouvait survivre à cette chute. Il avait vu l'Oden se livrer à ce genre d'acrobatie à maintes reprises par le passé, récemment sur Ezzal Prime, mais aussi lors des entraînements. L'Oden pouvait tomber comme une pierre et ralentir au dernier moment pour se poser à la perfection. Il ne s'agissait pas de voler, car aucun Jedi dépourvu d'aile naturelle n'en était capable à la connaissance de Belle, mais on ne pouvait pas parler de chute non plus. Belle savait l'exploit réalisable, et l'Oden Greatstorm l'en croyait capable. Son maître n'aurait probablement pas utilisé la force pour le pousser de cette falaise obscènement élevée dans le cas contraire. Belle songea que le Conseil Jedi ne verrait certainement pas d'un très bon œil le meurtre par inadvertance d'un Padawan. Mais l'Oden pouvait sans doute s'en sortir en déclarant que l'ordre n'avait pas besoin d'un apprenti incapable de maîtriser une technique aussi simple que la descente contrôlée. Tout ceci traversa l'esprit de Belle dès les premières secondes de chute. Au prix d'un énorme effort, il se força à se concentrer pour trouver la flamme intérieure de la force et l'attiser afin qu'elle s'épanouisse et pour établir grâce à elle le contact avec les bourrasques qui le giflaient et agitaient ses dreadlocks. L'Oden lui avait expliqué comment effectuer la manœuvre sans danger, même si sa description du fonctionnement idéal de la technique était demeurée vague et frustrante. En général, l'idée consistait à se diriger vers les courants ascendants afin de les exploiter comme base pour ralentir la chute. Une fois qu'on y était parvenu, on était censé utiliser la force pour exercer une poussée contre le sol qui se rapprochait. En combinant les deux éléments, on devait ralentir suffisamment pour atterrir sans risque. Belle y était arrivée sans trop de difficultés durant la formation au temple en tombant de hauteur moindre ou en se posant sur un coussin répulseur destiné à éviter les accidents. Mais à présent, tandis qu'il tombait d'une falaise et risquait d'être affreusement estropié avec de la chance, il parvenait à peine à se souvenir de ce que l'Oden lui avait conseillé de faire. Il savait que le vrai défi ne consistait pas à maîtriser la force, mais bien à maîtriser la peur. La plus grande épreuve pour tout Jedi. Une épreuve à laquelle il était sur le point d'échouer. Et depuis cette hauteur, il savait que même l'Oden Greatstorm ne parviendrait pas à le rattraper. Voilà, c'était la fin. Belle ferma les yeux. La peur l'envahit et il ne lutta pas contre elle. Il chercha la sérénité, espérant mourir assez vite pour éviter une longue agonie sur les rochers déchiquetés au pied de la montagne. Le vent cessa de siffler autour de lui. Belle ouvrit les yeux et vit le sol, à 1 mètre environ sous lui. Puis il tomba et le heurta. Rudement, mais pas autant que si sa chute ne s'était pas interrompue. Il roula sur le côté en grognant et une ombre tomba sur lui. « Il faut que tu réussisses à maîtriser la technique !» dit Indira Stokes. « L'Oden va vraiment te tuer un de ces jours !» Elle tendit la main et Belle la prit pour se remettre debout. Indira, une Tolosienne, avait la peau quelques tons plus clairs que celle de Belle. D'élégants appendices blancs en guise de cheveux et des yeux si bleus qu'ils semblaient presque lumineux, à l'instar de tous les membres de cette espèce que Belle avait rencontrée. Sa tenue de cuir, râpée et usée, arborait l'emblème Jedi blanc sur une épaule. Elle portait l'étui de son sabre laser dans une sangle jaune qui lui barrait la poitrine en diagonale, ainsi qu'une écharpe de nanofibre enroulée autour du cou. Celle-ci pouvait servir de masque en cas de tempête de poussière, et pouvait prendre n'importe quelle forme en cas de besoin. Auprès d'Indira se tenait un petit quadrupède dont la peau tachetée de noir, de blanc et de gris comportait çà et là des taches rouges et oranges. La créature aux yeux jaunes vifs était une femelle carbocanin originaire d'Elfrona. Elle fit quelques pas en direction de Belle pour frotter son museau contre sa main. Il la gratta derrière les oreilles et le petit animal se mit à ronronner de plaisir. « Salut, Tison, » dit Belle. « Moi aussi, je suis content de te voir. » Après avoir gratifié le carbocanin d'une dernière caresse, il se retourna vers Indira. « C'est Loden qui vous a demandé de me rattraper ?» demanda-t-il en époustant sa propre tenue de cuir, à l'origine d'un blanc immaculé mais dont les taches et l'usure témoignaient d'un usage intensif. « Ouep !» répondit Indira. « Il n'y a pas de honte. Aucun Jedi ne maîtrise tout à la perfection dès le début. » Elle lui tendit son sabre laser. Il ne l'avait même pas senti tomber. Belle le prit et le glissa dans l'étui qu'il portait à la hanche. « Pas de honte, » répéta-t-il. Loden savait depuis le début qu'il échouerait. « Je ne comprends pas pourquoi il n'abandonne pas, tout simplement, » ajouta-t-il. « Je n'y arriverai pas, c'est évident. »« Parce qu'un jour, tu tomberas réellement d'une falaise. » Et qu'il ne ferait pas son travail s'il n'essayait pas de t'éviter de mourir quand ça se produira. Les Jedi tombent sans arrêt d'un tas de choses. Il faut que tu sois prêt. Indira se tourna vers le sentier qui remontait vers l'avant-poste. Viens, dit-elle. Porter est en train de préparer le petit déjeuner. Un ragoût aux 9 œufs. Et il m'a dit qu'il avait aussi déniché des poivrons de roche. Vous croyez que Loden me laissera manger avant de me jeter de nouveau du haut de la falaise? J'insisterai. Personne ne devrait mourir l'estomac vide. « Ouah !» fit Belle. « C'est bien aimable de votre part. » Il la suivit sur le sentier, Tison à ses côtés. Otto porta de nouveau l'oculaire monolentille à son œil. L'un des réglages de l'appareil lui permettait de voir à travers les murs en captant les signatures thermiques de l'extérieur. Pratique, puisque les Nihil avaient déjà détruit les cames de sécurité de la ferme. Les moniteurs de l'abri ne transmettaient plus que des parasites. Toutefois, tous les éléments du système de sécurité de luxe qu'ils avaient installé en emménageant dans la concession n'avaient pas cessé de fonctionner. Les volets automatiques en duracier renforcé avaient rempli leurs fonctions et s'étaient prestement abaissés devant les portes et les fenêtres une fois la famille en sécurité à l'intérieur. Mais sans les cames, ils étaient pour ainsi dire aveugles. Otto ne pouvait compter que sur l'oculaire et les vagues silhouettes qu'il affichait en mode infrarouge. Les Nihil apparaissaient sous forme de contours violets et rouges aux têtes curieusement difformes. Le mineur avait déjà vu des centaines d'espèces humanoïdes, mais jamais rien qui ressemblât aux Nihil. Il en déduisit qu'ils portaient sans doute des masques, ce qui coïncidait à la fois avec les récits qu'il avait entendus et avec le fait qu'ils se servaient de gaz pour dissimuler leurs mouvements et neutraliser leur proie. L'information ne les rendait pas moins menaçants. C'était bel et bien des monstres qui surgissaient de nulle part. Et il y avait bien du gaz dehors, même si l'appareil ne parvenait pas à le détecter. Les aciérés du troupeau gisaient sur le flanc dans leur enclos, inconscients ou morts, alors qu'à sa connaissance, rien ne les avait touchés. Les joints sont étanches au gaz, s'enquit Erika qui pensait manifestement à la même chose. C'est ce qu'a promis l'entrepreneur. L'abri est censé résister à tout excepté à des tirs de blaster d'intensité maximale et retenir les armes chimiques et radiologiques. Tu n'as pas parlé d'explosifs? Et s'ils ont apporté des explosifs? Otto ne répondit pas. Peu importe, je suis prête à me battre, poursuivit-elle. Et il reposa l'oculaire pour se tourner vers elle. Erika tapota sur son datapad une dernière fois, puis le présenta à Otto afin qu'il voie les éléments du plan qu'elle avait échafaudé. « Je pensais au speeder. Qu'en dis-tu ? » ?»« Ouais, au moins on gagnera du temps. Peut-être que quelqu'un verra l'explosion ou que les Nihil s'en iront, tout simplement. » Ce fut au tour de sa femme de se murer dans le silence. « Qu'est-ce que ça donne, Ron ?» demanda-t-il à son fils, un adolescent de 13 ans, qui représentait parfaitement tout ce que cet âge impliquait. Mais à cet instant, pas d'angoisse existentielle ni de saute d'humeur. Il faisait exactement ce qu'on lui demandait dans l'espoir de préserver la vie de sa famille. Avec le comlink de la ferme, Ron tentait de joindre quelqu'un qui puisse les aider depuis l'espoir d'Ogden. Sa sœur, Bi, 9 ans, s'était recroquevillée contre lui pour se rassurer. Agrippée à un varactyle en pluche, Koto n'avait pas vu entre ses mains depuis des années. « Je n'arrive pas à faire passer le signal, papa. J'ai vérifié la météo et il y a une grosse tempête de rouille entre l'espoir d'Ogden et nous. C'est ce qui brouille les transmissions, je crois. » « Continue, fiston, » dit Otto. « Ta mère va nous faire gagner du temps. » Un grand fracas leur parvint de l'extérieur. Pas une explosion, mais un choc de métal contre du métal. Otto regarda de nouveau par l'oculaire et découvrit qu'un groupe de 4 Nihils s'était massé devant la porte d'entrée de la maison. Les envahisseurs semblaient tenir quelque chose, s'y accrocher ensemble, mais le réglage thermique de l'appareil ne permettait pas de distinguer l'objet en question. Sans doute un bélier en dur acier. Ils essaient d'enfoncer la porte, conclut-il. Un autre choc. Maintenant, Erika, dit Otto. Sa femme entra une commande sur son datapad. Dehors, Otto vit leurs 4 droïdes d'extraction sortir du mode veille dans leur enclos, non loin du bâtiment principal. Leurs contours apparaissaient en vert et en jaune dans l'oculaire, car ils émettaient une signature thermique différente de celle des Nihils, mais ils les voyaient tous clairement. Les machines sortirent rapidement de l'enclos et accélérèrent dans la cour. Il s'agissait d'appareils industriels, lourds et puissants, destinés à creuser le sol dur et à en extraire la terre et les roches. Ils n'avaient aucun moyen de se faire discret, même si le gaz qui devait encore planer dehors leur fournissait un semblant de couverture. Le quatuor de droïdes se sépara. 2 d'entre eux se dirigèrent vers le groupe de l'entrée et les autres vers le speeder. Otto se permit un instant d'admirer le talent de sa femme qui parvenait à contourner les fonctions autonomes des 4 droïdes pour en prendre le contrôle et leur faire effectuer des opérations pour lesquelles ils n'étaient pas prévus. Elle les faisait courir à toute vitesse et les guidait en entrant de simples commandes dans leur circuit de contrôle, le tout sur un minuscule écran de datapad. Malgré la complexité de cette opération, chaque droïde fonçait en ligne droite, inexorable, pile sur sa cible. « Bien joué, Erika. Tu vas y arriver. »« Ne me parle pas maintenant, » dit-elle d'une voix crispée par la concentration. Des tirs de blaster, très blancs et incandescents dans l'oculaire, commencèrent à fuser des 2 bandes de Nihils, les 4 de l'entrée et les 6 autres groupés autour de leur speeder. Les pillards avaient remarqué les droïdes en approche, comme on pouvait s'y attendre. Les machines étaient robustes, conçues pour encaisser des impacts et des températures élevées, mais elles n'étaient pas invulnérables pour autant. L'une d'entre elles s'immobilisa, puis une autre. « Plus vite, Erika, ils sont en train de les descendre !» Sa femme ne répondit pas, se contentant de lui décocher un bref regard. Otto comprit. Elle dirigeait les droïdes depuis son datapad. Quand l'un d'entre eux cessait de fonctionner, elle le savait aussitôt sans qu'il ait besoin de la mettre au courant. Il s'en doutait, même avant de lui dire, mais il voulait simplement agir, faire quelque chose. Derrière lui, il entendit la voix de son fils qui parlait hâtivement et comprit que Ron avait réussi à contacter quelqu'un. L'espoir d'Ogden disposait d'une petite force de sécurité communale que finançaient chaque année tous les détenteurs des concessions. Leur caserne ne se trouvait pas si loin. Si la famille réussissait à tenir un peu plus longtemps. Un 3e droïde s'arrêta net, une gerbe d'étincelles vertes jaillissant de l'endroit où se trouvait auparavant sa tête. Il n'en restait plus qu'un. Otto le regarda débouler vers sa cible. Il le vit esquiver un tir des Nihils et s'émerveilla de nouveau du talent de sa femme. Quelle opératrice était capable de faire plonger un droïde d'excavation sous un tir? Celle qu'il avait épousée, apparemment. Le dernier droïde reçut une rafale bien placée et ralentit subitement au point de se traîner. « Bon sang !» s'exclama Erika. « C'est terminé ? S'enquit Otto. « Non, » répondit-elle d'une voix froide et assurée. « Certainement pas. » Il entendit les doigts d'Erika pianoter furieusement sur le datapad, réajustant et redirigeant des fonctions. L'opération sembla couronnée de succès. Le dernier droïde continua d'avancer en chancelant, puis fonça de plus en plus vite en titubant. Les Nihils n'avaient pas cessé de tirer, mais ils semblaient presque insensibles. Il perdit un bras, puis un autre. La moitié de sa tête disparut, ce qui ne l'arrêta pas. Il atteignit le speeder des Nihils et Otto retira l'oculaire juste avant qu'une lumière blanche ne remplisse son champ de vision. Un bruit retentit dehors. Pas un simple vacarme cette fois, mais une déflagration. Les droïdes d'excavation étaient des appareils de mine. Ils pouvaient creuser, trier, transporter des débris, mais aussi percer des trous dans la roche dense et métallique au moyen de petites cartouches d'explosifs à haute puissance. À en croire la détonation, Erika avait vidé toute la réserve de la machine. Elle souffla d'un air satisfait avant de demander « Combien j'en ai eu, mon chéri ?» Otto reprit l'oculaire et regarda dehors. La scène avait radicalement changé. Le speeder des Nihils avait disparu, comme le droïde d'excavation, tous deux remplacés par des fragments métalliques torturés et des flammes vives. Il réduisit la luminosité à la recherche de... Là ! Il compta les silhouettes. Quatre près du feu, toutes immobiles. Mais deux autres des intrus étaient encore en vie. L'un d'entre eux se traînait lentement à l'écart de l'épave, et le groupe qui s'était servi du bélier à la porte était occupé à extraire le second. La maison avait malheureusement abrité cette seconde bande de l'explosion. « Pas assez, » conclut Otto. « Mais c'est déjà ça. » Il retira l'oculaire et se tourna vers son fils, occupé à parler à Bi d'une voix douce et rassurante. « Tu as réussi à avoir quelqu'un, Ron ? Je t'ai entendu au Comlink. Les secours arrivent ?» Ron releva la tête, l'air lugubre. « J'ai eu la sécurité de l'espoir d'Ogden, papa. Je leur ai raconté ce qui se passait. L'homme à qui j'ai parlé m'a posé des tas de questions, mais il s'est arrêté quand je lui ai expliqué qu'il s'agissait des Nihils. Il a simplement dit qu'ils étaient trop loin pour venir à temps. Il s'est excusé, mais on aurait dit qu'il avait peur surtout. J'ai essayé de rappeler, mais ça ne répond plus. « Les lâches !» cracha Erika. Un boum sourd leur parvint d'en dessous. Quelque chose de lourd venait de percuter la porte d'entrée. Puis, une voix se fit entendre. « Vous n'auriez pas dû faire ça !» lança-t-elle sur un ton sourd aux intonations étranges. « On voulait juste venir vous chercher. » Boum. « Maintenant, on va aussi vous faire du mal. » « Encore un peu de ragoût ?» demanda Porter Engel en regardant le bol vide de Bell. « La chute, ça creuse !» Assis à la table en face de lui, Loden gloussa. Bell laissa passer. Peu lui importait. Il finirait bien par comprendre comment contrôler ses chutes avec la force, et même s'il n'y parvenait pas, ce n'était pas une raison pour refuser un deuxième bol du ragoût de 9 œufs de Porter. Porter Engel était une légende. Ces Tikrukiens, qui faisaient partie de l'ordre depuis plus de 300 ans, étaient tout en barbe. Il avait occupé la plupart des fonctions principales des Jedi en son temps, enseignant, explorateur, diplomate, guerrier. Chaque fois, il avait suscité assez de récits pour s'assurer une place de premier plan dans les chroniques. Par exemple, il ne lui restait qu'un œil. Il avait perdu l'autre jadis, et la longue balafre qui lui barrait le visage représentait une histoire à elle seule. Mais maintenant qu'il approchait du terme de son existence, il semblait s'être trouvé une vocation de cuisinier. Son ragoût contenait bien 9 œufs différents, mais Porter n'en révélait jamais que 5. Les autres étaient trop rares ou trop dégoûtants pour qu'il en divulgue la nature. En tous les cas, ce truc était délicieux. Sous la table, Belle sentit Tison remuer. Elle s'était couchée sur ses bottes et il sentait sa chaleur interne même à travers le cuir épais. La bête n'était pas idiote. De tous les Jedi d'Elfrona, Belle Zetifar était de loin le plus susceptible de lui glisser un petit morceau ou deux pendant les repas. La créature s'était présentée un jour à l'entrée du bâtiment, famélique et tremblante, avec une blessure infectée à l'arrière-train. Indira l'avait soignée, Porter l'avait nourrie, Belle lui avait donné un nom et Loden lui avait permis de rester en déclarant que la force avait amené un nouveau membre à leur équipe. élégante façon de contourner les règles de l'ordre contre l'attachement, sachant qu'ils devaient évidemment prendre soin de leurs coéquipiers, s'assurer qu'ils soient en sécurité, heureux et bien nourris, que leur pelage soit brossé et... Bref, les Jedi de l'avant-poste d'Elfrona éprouvaient énormément d'affection pour Tizon, la femelle carbocanin, que ce soit autorisé ou pas. « Avec plaisir, » répondit Belle en tendant son bol. « Il est succulent aujourd'hui. » « Ce sont les poivrons de roche, » répondit Porter, ravi, en lui servant une autre louche de l'épais ragoût jaune. « J'en ai trouvé de bien ferme au marché. » Les Jedi vétérans pouvaient vivre où bon leur semblait lorsque le passage du temps amenuisait naturellement leurs capacités et leur désir de participer aux activités les plus intenses de l'ordre. La plupart restaient au temple de Coruscant, qui comprenait des logements pour ses membres les plus âgés, afin qu'ils passent la fin de leur vie selon leurs souhaits. Porter Engel avait adopté une approche aux antipodes de celle-là, et demandé à ce qu'on l'affecte à l'avant-poste d'Elfrona. Il paraissait déterminé à demeurer aussi utile que possible, malgré son âge, et vivre dans un avant-poste représentait selon lui le meilleur moyen de s'assurer que ses 3 siècles d'expérience Jedi profitent directement à toute la galaxie. En temps normal, on pouvait faire appel à un avant-poste Jedi pour régler une querelle, défendre une ville contre des maraudeurs, traîner des criminels en justice, enseigner aux enfants, offrir une assistance médicale ou simplement recourir à l'un des 10 000 usages de la Force pour aider le peuple. Tous les problèmes ne nécessitaient pas l'intervention d'un Jedi. Mais lorsque la situation s'aggravait à ce point, les habitants de la galaxie étaient soulagés de vivre sur un monde doté d'un avant-poste. Le flambeau stellaire est presque prêt pour l'inauguration, dit Loden pendant que Belle entamait sa 2e ration de ragoût. Plus que quelques semaines, précisa Indira. Mais le blocus hyperspatial de la chancelière pourrait repousser la date. J'espère que non, fit Porter Engel en s'asseyant en bout de table. Ce ne serait pas la fin du monde si la station n'ouvrait pas à temps, mais je sais qu'il est important pour les projets de la chancelière que tout se déroule sans accroc. Et j'aimerais bien voir cet endroit aussi. Ça me paraît très joli. Ça l'est, dit Loden. Qu'en penses-tu, Belle? Splendide. Il y a une zone de biosphère où les visiteurs peuvent voir des reconstitutions de divers mondes des territoires de la bordure extérieure. La jungle de Dantooine, une banquise de Mygitto, j'ai bien aimé. Loden laissa tomber sa cuillère dans son bol vide. L'idée consiste à souligner la diversité des mondes de la région. Ils feront tourner les biosphères de temps en temps, importeront diverses créatures. C'est très ambitieux. Indira prit la parole sans lever les yeux de son datapad. La station tout entière est ambitieuse. Et c'est la première d'une longue série, non? La chancelière a prévu tout un réseau de flambeaux, je crois. J'ai lu quelque chose à ce sujet. C'est ce qu'ils nous ont expliqué au conclave, intervint Belle. L'Inasso et ses grandes œuvres, dit Porter Engel. Je la trouve formidable. S'il y a bien un moment pour déployer des flambeaux, des réseaux de relais et s'étendre, c'est maintenant. Je me rappelle quand la galaxie commençait à peine à se structurer il y a quelques siècles. Nous ne nous préoccupions que de survivre, à vrai dire. Nous devrions exploiter cette période de prospérité pour bâtir quelque chose d'important pour l'avenir. Vous croyez que le réseau d'avant-poste de l'Ordre sera fermé une fois qu'ils activeront tous les flambeaux? Demanda Belle. « J'espère bien que non, » répondit Porter en se calant sur son siège, les mains derrière la tête. « Ce genre de vie me convient tout à fait. Chaque jour se révèle un peu différent. On voit ce qui se passe. On aide les habitants selon leurs besoins. Ce n'est pas si mal. » Il fit un signe à un droïde serviteur qui s'approcha en roulant pour débarrasser la table. Il se trouvait dans la salle à manger de l'avant-poste, une pièce confortable au plafond bas. Elle faisait partie d'un ensemble de 8 pièces distinctes de la salle principale, vaste zone circulaire conçue autour d'un immense symbole de l'ordre Jedi incrusté dans le sol. Les chambres à coucher, la cuisine, la réserve, le hangar, la salle d'entraînement au sabre laser, tout était accessible depuis la zone centrale, de la même façon que la Force effleurait toute chose équitablement. En parlant de ça, poursuivit Porter, qu'avez-vous de prévu tous aujourd'hui ? Je vais emmener un des Vectors dans un site de l'hémisphère sud, répondit Indira. Des mineurs pensent avoir trouvé un filon d'Esurtanium. Je n'en ai jamais vu jusqu'ici, et ce minerai posséderait des propriétés rares. Certains le disent même légèrement réactif à la force. J'espérais pouvoir en acheter un échantillon et le ramener ici pour l'étudier. Prends Belle avec toi, suggéra Loden. Attendez, pour qu'elle puisse me jeter du cockpit ? Tu ne manques pas de sagesse, mon padawan, répliqua Loden. Bon, eh bien moi je vais faire la vaisselle, dit Porter. Et toi, Loden ? Une concession a des problèmes avec un nid de fourmis chrome au nord. J'envisageais de leur donner un coup de main. Ils ne peuvent pas faire appel à une unité d'extermination, tout simplement ? Demanda Indira. Sans doute que si, répondit Loden. Mais peut-être que j'ai envie d'aller combattre une centaine de fourmis chrome. Belle secoua la tête. Lui aussi aurait voulu affronter une centaine de fourmis chrome. Mais ce n'était pas la peine de demander et il le savait. Il sauterait d'un autre Vector, un point c'est tout. Un sifflement sourd s'éleva de la salle centrale et les quatre Jedi se retournèrent. Ce son signalait une transmission entrante sur le système de com d'urgence de l'avant-poste. Loden tendit la main et tapota sur le tableau de commande de la table pour la diffuser dans la pièce. Une voix se fit entendre, discrète mais vibrante de tension. Jedi, ici, non, je ne veux pas m'impliquer. Mais il y a une famille de mineurs à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville. Deux parents, deux enfants. Les Blight. J'ai capté une transmission destinée au poste de sécurité de l'espoir d'Ogden. Je surveille ce canal sur mon comlink, c'est un peu mon hobby. Enfin bref, ils appelaient à l'aide. La famille est en train de se faire attaquer par les Nihil. Les forces de sécurité de l'espoir d'Ogden n'iront pas. Ils ont la trouille, je crois bien. J'aurais peur, moi aussi, avec ce qu'on raconte sur les Nihil. Mais la personne qui appelait... C'était un gosse. Il avait l'air vraiment paniqué. Peut-être que vous pourriez vous y rendre. Intervenir d'une manière ou d'une autre. Je vous envoie les coordonnées. Je ne veux pas m'impliquer. Pas avec les Nihil. Mais je me disais qu'il fallait que vous soyez au courant. C'est tout. Le message s'arrêtait là. Tison pouvait sentir la tension dans la pièce. Sous la table, elle émit une sorte de petite toux sèche, comme le bruit d'une botte écrasant un morceau de charbon. « Les Nihil, » dit Indira. « Une famille, » dit Porter Engel. Il avait parlé d'une voix très froide. Pour la première fois, Belle le regarda et ne vit plus le chef cuisinier icruquien barbu et hilar qu'il connaissait si bien, l'inventeur du ragoût aux 9 œufs. À la place, il contemplait le Jedi qu'on surnommait autrefois la lame de Bardotta. « Allons-y, » conclut Loden.